Chapitre 20. Quand la CIA ratait Ben Laden. La CIA a-t-elle délibérément laissé Oussama Ben Laden s'échapper à plusieurs reprises dans les années 1990 et 2000? La question peut paraître absurde, pourtant elle est régulièrement soulevée par les médias, sur la base de témoignages fournis par des anciens des forces spéciales américaines ou françaises. En 2006 encore, le documentaire « Ben Laden, les ratés d'une traque » par Éric de Lavarenne et Emmanuel Razavi donne la parole à des soldats qui faisaient partie des forces spéciales françaises sur place. Selon eux, fin 2003, dans le sud de l'Afghanistan, ils se sont trouvés à 400 mètres du leader terroriste et ont demandé à l'état-major américain la permission de tirer. Permission refusée. Quelques mois plus tard, en 2004, le même scénario s'est reproduit. Toujours dans ce documentaire, un chef de guerre afghan affirme que, lors du siège de Tora Bora, après les attentats du 11 septembre, les Américains auraient délibérément laissé Ben Laden s'enfuir avec 70 de ses hommes. Ces accusations sont troublantes. Elles portent en germe la suggestion que, loin de vouloir éliminer Ben Laden, l'administration Bush lui donnerait régulièrement des coups de pouce pour s'en servir comme d'un épouvantail et justifier des mesures d'exception. On rejoint l'idée d'un grand complot cher à ceux qui affirment que les attentats du 11 septembre ont été « permis » pour justifier ensuite une action militaire musclée au Moyen-Orient. Mais ces complots fantasmatiques ne résistent pas à l'examen. Quel serait l'intérêt pour les États-Unis de laisser en liberté le plus grand terroriste de l'histoire, milliardaire de surcroît, farouchement anti-américain, et dont chaque victoire aide à radicaliser la rue dans les pays arabes? La réalité est plus complexe. Depuis 1996, la CIA a bel et bien pour mission de neutraliser le terroriste, mais doit agir sous un faisceau serré de contraintes. En décembre 1998, Ben Laden a ainsi été localisé en Afghanistan. La CIA connaissait l'emplacement de son refuge d'une nuit et était prête à donner l'assaut au missile. Mais l'autorisation ne fut pas donnée par le patron de l'agence, George Tenet. Des centaines d'innocents dormaient à proximité. Début 1999, Ben Laden fut repéré au sud de Kandahar, dans un camp où résidaient des hautes personnalités des Émirats arabes unis, alliés des États-Unis. Impossible de risquer leur vie. Même scénario en avril 1999, même réponse. La vraie raison des ratés de la traque contre Ben Laden n'est sans doute pas un mystérieux complot, mais la peur ou la prudence politique, ce qui revient au même. En 1998, pendant une campagne de l'OTAN en Serbie, la CIA avait fourni aux militaires les objectifs détaillés de bombardement sur la foi de photos satellites. L'une de ces cibles, que l'on prenait pour un dépôt d'armes, s'avéra en réalité être l'ambassade chinoise en Serbie. L'affaire, qui fit grand bruit dans les milieux diplomatiques, avait failli coûter son poste à Tenet. Les présidents n'aiment pas s'excuser d'avoir détruit par erreur l'ambassade d'un pays avec qui ils cherchent à développer leurs relations commerciales. On a suffisamment illustré dans cet ouvrage les opérations va-t-en-guerre les plus dangereuses de l'histoire de la CIA pour reconnaître qu'à d'autres moments, plus rares mais décisifs, une trop grande prudence a pu avoir des effets tout aussi meurtriers. Nous présentons ici le témoignage de Gary Schroen, alors chef de poste au Pakistan. Il raconte comment ce type d'épisode est intervenu, les hésitations de la chaîne de commandement et la frustration des hommes sur le terrain. Interview de Gary Schroen à PBS. Gary Schroen est l'agent de la CIA qui fut choisi pour diriger le premier voyage dans le nord de l'Afghanistan visant à établir des liens avec les dirigeants de l'Alliance du Nord, à leur offrir de l'argent, des équipements et un soutien politique, et à joindre les forces américaines aux leurs afin d'éliminer les talibans de Kaboul et des autres villes du nord de l'Afghanistan. Schroen, qui servit pendant 35 ans à la direction des opérations de la CIA, est maintenant sous contrat avec l'agence et est l'auteur de « First In, an insider's account of how the CIA spearheaded the war on terror in Afghanistan ». Ceci est la transcription partielle d'une interview donnée le 20 janvier 2006. Je suis devenu chef de station à Islamabad, Pakistan, au tout début de l'année 1996. À ce moment-là, le gouvernement américain ne s'intéressait pas à l'Afghanistan. Les talibans y étaient. Tout le monde savait qu'ils violaient les droits de l'homme, que leur gouvernement était instable et que ce dernier traitait son peuple de manière exécrable. Mais en vérité, personne à Washington ne s'en souciait réellement. L'Afghanistan était un trou perdu pour eux, et c'est en effet ce vers quoi le pays avait évolué. Enfin, ils résoudront leurs problèmes tout seuls. Néanmoins, en mai 1996, nous nous sommes rendus compte que la donne était différente depuis qu'Oussama Ben Laden et son groupe étaient arrivés au Soudan. Le CTC, centre antiterroriste de la CIA, commença véritablement à s'intéresser à l'Afghanistan. En qualité de chef de station à Islamabad, il était difficile pour moi d'entreprendre toute action, car l'Afghanistan était un pays distinct. Mais à l'été 1996, j'ai commencé à me concentrer sur et à renouer contact avec d'anciens commandants moudjahidines avec lesquels nous avions des liens dans les années 1960 et 1970. Ce groupuscule à l'intérieur du CTC, le groupe UBL, Oussama Ben Laden, comme nous l'appelons, ne tarda pas à reconnaître que nous devions nous intéresser de très près à ce type. Déjà en 1996, ses membres faisaient fortement pression pour que les Soudanais l'expulsent. Au tout début, étiez-vous impliqué dans l'affaire Ben Laden ? De 1996 à l'été 1999, en qualité de chef de station à Islamabad, j'étais le chef sur le terrain de toutes les opérations entreprises dans le but de capturer Ben Laden. Tout, depuis le capturer alors qu'il se rendait avec une escorte de, disons, Kandahar à sa ferme située à l'extérieur de la ville de Tarna, jusqu'à planifier réellement une frappe dans Tarna avec notre groupe afghan. Nous avons suggéré des frappes de missiles de croisière dirigées contre Ben Laden à plusieurs occasions. Ce genre de choses. Vous avez esquissé un sourire en me parlant des missiles de croisière. Dites-moi plus sur cette histoire. Après les bombardements en Afrique de l'Est sur les ambassades du Kenya et de Tanzanie, je crois que leur ampleur a été vraiment choquante avec les centaines d'innocents qui ont été blessés et estropiés. Il était évident que l'administration Clinton voulait faire quelque chose. On nous avait renseigné. Ben Laden et ses principaux acolytes se dirigeaient vers un camp en Afghanistan, mais proche de la frontière pakistanaise. Et ils allaient y organiser une sorte de réunion stratégique. Ces renseignements semblaient être valables et nous les avions reçus suffisamment en avance pour permettre la mise en place des missiles, que l'on pouvait tirer depuis des avions ou depuis l'un de nos bateaux ou sous-marins. Le problème, c'était que les missiles allaient devoir survoler le Pakistan pour atteindre leur cible, et que nous ne savions pas du tout comment le gouvernement allait réagir. Nous étions en bon terme avec le chef de l'armée pakistanaise, mais nous ne les avons pas avertis à l'avance, car nous avions peur que l'info sorte et que Ben Laden soit prévenu par des éléments du gouvernement pakistanais, des forces militaires ou de sécurité, qui le soutenaient et l'admiraient. Les missiles ont été lancés. Nous l'avons manqué de peu. Une demi-heure, deux heures, nous n'en avons aucune idée. Le peuple pakistanais était indigné car ces missiles avaient survolé leur pays. L'un d'eux avait même échoué et atterri au Pakistan. On considéra donc qu'il s'agissait d'un incident international, que l'Amérique ne respectait pas la souveraineté du Pakistan. Je crois que c'est ce genre de problème qui a poussé l'administration à se méfier des missiles de croisière.